Chapitre 3. Alors, Jeanne, il n'y en a plus de cette confiture exquise ? Probablement, puisque je l'ai mangée. Voyons, c'est bien le pot que j'ai acheté ce matin. Ce doit être celui-là, il n'en reste pas d'autre. Puis elle persifla légèrement son mari. Vous en avez de drôles d'idées de vouloir manger de la confiture à 4 heures de l'après-midi. Fauvard que négligea de répondre. Il exagérait plaisamment le côté piteux de son attitude, le pot vide en main. L'arôme des abricots avivait sa convoitise, mais il finit par un regard de gaieté aimante vers sa femme. « Habille-toi vite, fit Jeanne, nous sortons. » Au moment de fixer son faux col, le peintre ajouta 2 touches de pinceau à sa toile. Ayant brossé son veston bleu, son feutre, vérifié le contenu des poches de son gilet, il s'esquiva du côté de la cuisine, coiffé de son chapeau et serrant sa canne sous son bras. « Voilà bien notre maniaque, marmonna Jeanne. » Avant de sortir, un coup d'œil pour s'assurer qu'il n'y a ni robinet ouvert, ni fenêtre mal fermée. Il reparut. Elle essayait sur ses joues roses une série de voilettes à ramages différents. Il s'assit patiemment et regarda au dehors. « Eh bien, fit-elle, tu as dû trouver la cuisine inondée, des voleurs sous la table, des fourmis dans le rôti de ce soir. »« Si ce n'était que ça, répondit Fauvarc en levant la main. « Le gaz !» cria Jeanne. « Mais oui, le gaz !» Une flamme de 30 centimètres et la bouteille d'essence sur la tablette à côté. Les Fauvarques fréquentaient un grand nombre de gens d'affaires, banquiers, ingénieurs, industriels. Le voisinage de cette richesse ne leur causait aucune gêne. À travers l'opulence d'autrui, ils évoluaient légèrement en conservant le sens de leur personnalité. Aussi occupaient-ils dans ces milieux une place particulière. Aux yeux des hommes pratiques qu'ils y rencontraient, ils étaient les messagers d'une vie surnaturelle. Tous devenaient amoureux de Jeanne. Tous traversaient une crise d'enthousiasme pour Fauvarc. Ils saisissaient le premier prétexte pour aller frapper à leur porte. Durant 1 heure, ils éprouvaient de la volupté à s'enfermer dans cet îlot paisible, sous des arbres, en face de visages calmes, et ils se sentaient pénétrés d'un peu de chaleur primitive. « Ici, vous êtes chez vous. Prenez un bon siège entre ma femme et moi. Étirez-vous, bâillez. » leur disait Fauvarc. « Vous avez le droit de dire ce qu'il vous plaît, et même de ne rien dire du tout. » Souvent, après dîner, une auto stoppait et Jeanne annonçait les démons. Elle ne se trompait pas. Le banquier et sa jeune femme venaient proposer une promenade au bois dans leur voiture. « Nous avons des amis, » répondit Jeanne, un soir que Carlos et Valentine étaient là. « Combien sont-ils ? 2 ? Mais je les emmène. » Dans la suite, ils s'en allèrent toujours à 6 ou à 7 en comptant Husselin. Mais l'écrivain se faisait rare. Il surveillait de loin en loin, en attendant son heure, la marche des sentiments de Valentine. La torpedo était spacieuse. Démon la conduisait, le rire aux lèvres, avec infiniment de tact. Il avait un immense nez aquilin, toujours plein de sensations subtiles, et qui inspirait confiance quand il disait « Je connais une clairière qui sent bon. Voulez-vous que je vous y mène ?»« Oui, » criaient à la fois toutes les poitrines. Lentement, sur des voies de velours, la voiture roulait pendant des heures. Elle se perdait sous les arbres, faisait des lacets, allait, venait. Les hommes, tête nue, recevaient l'air léger dans leurs cheveux. Regardez comme la lumière des phares découpe les arbres et jusqu'aux moindres feuilles en leur donnant des tons irisés, disait Démon à Fauvarc auprès de lui. Ce sont là les tons du mois d'avril, répondait le peintre, et c'est féerique ce coin de nature rajeuni au milieu de la nuit. Mais quand même, on sent les arbres immobiles, silencieux et graves. On dirait des géants qui dorment sur un pied. Démon approuvait d'un signe. Il avait le souci que les bribes de conversation échangées s'achevassent par une phrase de Fauvarc. Derrière, Jeanne et Valentine étaient enveloppées de capes et de voiles. Madame Démon souriait, grande, brune. Ses cheveux brillaient tels l'ébène cirée et ses prunelles étaient plus noires et bien brillantes encore. Elle s'amusait comme une enfant chaque fois que Fauvarc parlait. Carlos prenait de ces 3 jolies femmes un soin méticuleux. Il rectifiait les plis de leurs voiles, voulait que leurs pieds fussent à l'aise, veillait à ce qu'elles n'eussent point frais. Il posait ses questions avec des moues caressantes en se penchant en avant. Quand elle lui répondait qu'elle se trouvait très bien, il se replongeait dans son coin. « tant mieux, » murmurait-il. « J'avais si peur, vraiment. » Cependant, il ne se sentait pas véritablement heureux. Des idées confuses s'insinuaient en lui. Il lui arrivait de descendre joyeusement l'escalier en se disant « Allons passer une heure chez notre brave Fouvarque » et d'avoir, en faisant le geste de sonner, la sensation que son cœur se rétractait. Le contact de son ami, qui dans les premières semaines l'exaltait, maintenant éteignit sa joie et ses enthousiasmes. La porte s'ouvre, Fouvarque est devant lui. Santilès détourne les yeux. Il ne s'attendait pas à ce rayonnement. Fouvarque parle. Santilès voudrait ne pas entendre. Il ne s'attendait pas à la vibration métallique de cette voix. Fouvarque raconte sa confiance. Santilès se sent bousculé. Fouvarque s'écrie « J'ai du génie ». Santilès se sent atrocement mutilé. Le sens de sa propre importance décroît peu à peu. Sa fortune ? Un hochet dérisoire. Fouvarque passe comme un lourd véhicule et prend toute la largeur de la route. Santilès est obligé de s'écraser contre le mur.